Chapitre 6. Enfants, c'est votre devoir devant le Seigneur d'obéir à vos parents, car cela est juste. Respecte ton père et ta mère, et le premier commandement auquel soit ajoutée une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, ne traitez pas vos enfants de façon à les irriter, mais élevez-les en leur donnant une éducation et une discipline inspirées par le Seigneur. Esclaves, obéissez à vos maîtres d'ici-bas avec crainte et tremblement, et d'un cœur sincère, comme si vous serviez le Christ. Ne vous contentez pas d'agir ainsi quand ils vous surveillent, pour leur plaire, mais accomplissez la volonté de Dieu de tout votre cœur, comme des esclaves du Christ. Faites votre travail d'esclave avec bonne volonté, comme si vous serviez le Seigneur, et non des hommes seulement. Rappelez-vous que chacun, qu'il soit esclave ou libre, recevra du Seigneur ce qui lui revient, selon le bien qu'il aura fait. Et vous, maîtres, conduisez-vous d'une façon semblable à l'égard de vos esclaves. Abstenez-vous de formuler des menaces. Rappelez-vous que vous appartenez, vous et vos esclaves, au même maître dans les cieux, qui n'agit pas différemment selon les personnes. Enfin, cherchez votre force dans l'union avec le Seigneur et dans sa grande puissance. Prenez sur vous toutes les armes que Dieu vous donne, afin de pouvoir tenir bon contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, les autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur. C'est pourquoi saisissez maintenant toutes les armes de Dieu. Ainsi, quand viendra le jour mauvais, vous pourrez résister aux attaques de l'adversaire, et après avoir combattu jusqu'à la fin, vous tiendrez encore fermement votre position. Tenez-vous donc prêt. Ayez la vérité comme une ceinture serrée autour de votre taille. Prenez sur vous la droiture comme une cuirasse. Mettez le zèle à annoncer la bonne nouvelle de la paix comme des chaussures à vos pieds. Prenez toujours la foi comme un bouclier qui vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Acceptez le salut comme un casque, et la parole de Dieu comme une épée que vous donne le Saint-Esprit. Faites tout cela dans la prière, en demandant à Dieu son aide. Priez en toute occasion, en étant dirigé par le Saint-Esprit. À cet effet, soyez vigilants et continuellement fidèles. Priez pour tous les membres du peuple de Dieu. Priez aussi pour moi, afin que Dieu me donne les mots justes quand je vais parler, et que je m'exprime avec assurance pour faire connaître le secret de la bonne nouvelle. Je suis ambassadeur pour cette bonne nouvelle, bien que je sois maintenant en prison. Priez donc pour que j'en parle avec assurance, comme je le dois. Tychique, notre cher frère et notre aide fidèle dans l'œuvre du Seigneur, vous donnera toutes les nouvelles qui me concernent, afin que vous sachiez ce que je deviens. Je vous l'envoie donc en particulier, pour vous dire comment nous allons, et pour redonner ainsi du courage à vos cœurs. Que Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ donnent à tous les frères la paix et l'amour avec la foi. Que la grâce de Dieu soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour indestructible.